je viens de vous écouter dans l'émission consacrée à Alien. Et j'étais un peu déçu de voir que vous ne parliez pas de l'actrice qui double en français Sigourney Weaver. Tania Torrance, une formidable actrice qui était à la Comédie Française et qui a doublé Sigourney Weaver dans pratiquement tous ses films. Cette voix magnifique, d'ailleurs, qui aussi doublait Jessica Rabbit dans Qui veut la peau de Roger Rabbit. Ellen Ripley, c'est moi. Alien, mon film culte. Alors, je l'ai vu lors de sa sortie en 1979 avec mon petit ami, car j'adore les films d'horreur. Eh bien, ce petit ami est devenu mon mari et tous les ans, depuis une dizaine d'années, nous regardons toute la saga, car c'est incontournable pour nous. Salut Fred et salut à toute l'équipe. Franchement, je bouche comme un fou. Désolé les gars, mais les quatre premiers de Alien sont absolument des chefs-d'œuvre. Pour moi, celui de Fincher n'est pas du tout en dessous de rien du tout. Les quatre sont des chefs-d'œuvre, tous avec leur sauce, leur pâte. Non, j'ai pas l'impression que c'est Marie-Elisabeth, ça. Allô, qui est à l'appareil? Je suis cinéphile et ce Alien de 1979 fait partie de mon top 5. Rien que le générique, avec ses lettres aliens qui se forment tout doucement sur cette fabuleuse musique de Jerry Goldsmith. Que de nuit nous avons passé avec des potes, chacun dans son lit et mettant à fond cette musique. Nous étions terrorisés. Mais comment n'avez-vous pu pas citer le célèbre film de Mario Bava, La planète des vampires, qui est un évident, une évidente influence pour le film de Ridley Scott, le premier Alien? Ouais, juste, en fait, une petite question. Quand on écoute une émission en rediffusion qui s'intéresse à la saga Alien, est-ce qu'on dit podcast ou replay? To be or not to be, not to be. J'ai découvert le groupe ABBA grâce à ma mère. Oui, ma maman adore ABBA. Bon, elle aime aussi Michel Sardou, ce qui explique qu'à mon mariage, on ne l'a pas laissé s'approcher du DJ. Enfin, je me souviens que j'étais toujours un peu interloqué devant les clips de ce groupe où on voyait ces deux femmes, une blonde et une brune, pousser la chansonnette dans des tenues qui à l'époque me faisaient plus penser aux frères Bogdanov dans Temps X qu'à l'univers disco. Je me souviens qu'il y avait toujours deux mecs derrière, dont un barbu derrière elle, en train de faire semblant de jouer du synthé. Et autant aujourd'hui la grosse barbe de hipster c'est tendance, autant même à l'époque je trouvais ça chelou. Je ne savais même pas qu'ils étaient en couple les uns avec les autres. Je me disais juste qu'il était décidément bizarre, ce monde des adultes, où tu pouvais te faire engueuler parce que ta chemise sortait de ton pantalon, et où on ne disait rien à des gens qui avaient décidé de porter la garde-robe de Ken et Barbie. Et puis le temps a passé. J'ai grandi. Musicalement, j'ai eu ma phase funk, metal, grunge, rap. Et quand pour cette émission, j'ai cherché des blockbusters musicaux qui sortaient des sentiers battus, j'ai pensé, ah bah tiens, pourquoi pas ABBA? Oui, vous avez vu, le processus éditorial de cette émission est éminemment compliqué, hein, généralement c'est comme ça, c'est « tiens, j'ai envie ». On m'a invité à aller voir la comédie musicale Mamma Mia à Londres, et vu que je suis quelqu'un de professionnel dans les médias, ça veut dire qu'on ne dit pas non quand c'est gratuit, j'y suis allé en cultivant un certain scepticisme, d'autant que je n'avais même pas vu le film. Pourtant, à la première chanson, je me surprends à battre la mesure. Et non seulement ça, mais je connais aussi toutes les paroles. Et puis une deuxième, une troisième, et ainsi de suite pendant 2 heures de show époustouflant. J'étais fan d'ABBA et je savais même pas. À 41 ans, j'ai découvert que j'étais fan des barbus qui jouent du piano avec des chemises pelle à tarte, comme quoi, il n'est jamais trop tard. France Inter. Blockbuster. Juste ici, ça va. Frédéric Sigrist. Dancing Queen, Mamma Mia, Gimme Gimme Gimme, SOS, la liste des tubes composés et interprétés par le groupe ABBA est impressionnante au regard d'une carrière qui a compté 8 albums en seulement 10 années d'existence. Réunissant 4 membres, dont 2 couples, alors là on va rigoler parce que je vais dire les noms, Agnetha Falskog et Björn Ulvaeus, puis Annifrid Lindstedt, dite Frida et Benny Andersson, cette entreprise familiale qui aurait pu se contenter de passer des vacances ensemble dans un Airbnb a conquis le monde en partant de la Suède. Pour revenir sur cet incroyable parcours, j'ai avec moi Thierry Dag. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste freelance pour le magazine Zadig et vous avez notamment fait un reportage sur le musée ABBA à Stockholm. Oui. Avec nous également Christian Eudeline, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste et critique musicale, vous travaillez actuellement pour le magazine VSD et Les Échos. Oui. C'était voilà, je joins une confirmation, je sais pas, peut-être que je vais faire ça après l'émission. Avec toi également Pascal Bernardin, bonjour. Bonjour. Vous dirigez la société de spectacle Encore Production et vous produisez notamment la comédie musicale Mamma Mia. En version anglaise. Et enfin avec nous Malaika Lassi, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de chant et d'histoire de la comédie musicale à l'AICOM. On dit l'ECOM ? On dit l'AICOM. L'ECOM. L'Académie internationale de comédie musicale. C'est ça. Ensemble, on va retracer le parcours de ce groupe qui, en un peu plus d'une décennie, a marqué le monde entier. On parlera de leurs inspirations, de leurs rapports compliqués à leur Suède natale. On évoquera leur formidable sens des affaires qui explique aussi leur longévité. Et on parlera de la comédie musicale Mamma Mia, bientôt de retour à Paris, qui a été adaptée en film également et dont le succès ne se dément pas année après année, pays après pays. Allez, c'est pas tout ça, mais si on écoutait ABBA. Christian Eudeline, comment s'est créé ABBA ? Comment s'est créé ABBA ? Alors c'est pas du tout une envie des musiciens, c'est une envie du manager. Alors il faut savoir que les deux têtes pensantes, ce sont les deux hommes, Benny et Björn. Je suis désolé, c'est eux qui ont tout composé. Quand je dis têtes pensantes, il n'y a aucun... Voilà. Alors Benny Andersson, il jouait dans un groupe, les Epstars, qui était plutôt un groupe pop-rock. Qu'on va situer entre les Beach Boys et les Rolling Stones dans les années 60. Donc c'est lui le côté rock, mais il a toute une culture musicale classique. Et en parallèle, vous avez Björn, donc c'est le brun, hein, qui jouait dans un groupe folk, les Utenani Singers. Et deux groupes qui en Suède vont vraiment marquer les années 60 parce qu'ils vendent, même ils vont déjà un petit peu s'exporter. Ils appartiennent à un catalogue musical, à un éditeur, et c'est là qu'intervient le créateur de ABBA, Stig Anderson, qui deviendra le manager de ABBA. Et en fait, c'est Stig Anderson qui dit « Mais vous êtes vachement doué, pourquoi vous bossez pas ensemble ?» Et au début des années 70, Benny et Björn disent « Ouais, on va écrire des chansons ensemble, c'est une très bonne idée. » Et là, ils mettent leurs épouses respectives, donc vous l'avez très bien dit, Frida et Agnetha. Alors, ABBA, hein, c'est les initiales des quatre noms, parce que Frida, c'est Ami Fried. Et ils vont écrire des chansons pour leurs femmes. Et voilà, sauf que la première Ring Ring, qui est supposée... ils disent, on va écrire une chanson pour la présenter à l'Eurovision. Et en fait, le comité de l'Eurovision dit, ouais, ça n'a aucun intérêt, c'est nul. Comme quoi, ils sont vachement clairvoyants. Et Ring Ring sort en single et c'est un carton. Et l'année d'après, c'est la chanson Waterloo. Et là, le comité de l'Eurovision dit ouais, putain, on est passé à côté d'un truc, on va peut-être les prendre et ça va être le carton. Voilà la naissance d'ABBA, c'est-à-dire qu'il y a une vraie histoire avant, ils ne viennent pas de n'importe où, mais il y a quand même quelqu'un qui a cette vision extérieure et qui leur dit tiens, ensemble, là, vous feriez des étincelles. Voilà. Stig Anderson fait sortir le premier album d'ABBA le lendemain de leur participation à l'Eurovision. Alors c'est un manager, donc il est là pour faire du business, hein, il n'est pas là pour... il a un catalogue, c'est un éditeur, il a un catalogue de plusieurs chansons, donc il va trouver des moyens pour le vendre. Et donc effectivement, quand vous vous faites coïncider la sortie d'un album le lendemain d'un concours de l'Eurovision que vos poulains viennent de gagner, vous vous frottez les mains parce que ça va être un carton. Mais déjà, le single Ring Ring, qui est le tout premier single, va s'exporter. C'est-à-dire qu'en France, en Angleterre, en Allemagne, partout, il va vendre. Voilà la naissance d'ABBA. ABBA, c'est deux hommes, mais aussi deux femmes. Ces femmes avaient déjà des carrières respectives. Alors oui, j'ai passé sous silence, mais les deux chanteuses avaient une carrière d'actrice chanteuse dans des comédies musicales. Voilà, elle savait chanter, c'était pas des potiches non plus. Voilà. Et surtout Agnetha, donc la blonde, elle avait une vraie carrière solo, elle écrivait ses chansons. Thierry Dag. Thierry Dag, c'est moi. Et elle était assez connue déjà en Suède par tout, elle-même. Tout s'était connu avant. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'on peut faire un parallèle avec une sorte de super groupe. Je sais pas, on parle toujours de Cream ou des groupes comme ça, mais là, c'était la réunion de quatre personnalités connues des Suédois. Voilà. Et ils avaient une manière assez, assez peu conventionnelle de travailler, c'est-à-dire qu'en fait, ils partaient en vacances voilà, sur une île et ils travaillaient en studio comme ça. C'était vraiment quelque chose d'assez peu orthodoxe. Ça, c'est la légende. Hein. Alors, la vérité. Moi, je veux la vérité. Vous ne composez pas sur une île déserte. C'était les deux hommes, Benny et Björn, étaient des fous. Ils passaient leur vie dans le studio. Alors sur une île déserte, c'est peut-être pour les photos et puis pour l'histoire, mais alors, voilà. Je crois que tes chansons effectivement naissaient quand même dans leur maison, dans l'archipel de Stockholm où il y a plein d'îles et donc ils avaient une petite maison là. L'autre légende, c'est que le manager souvent trouvait les titres. La vraie légende entre guillemets, je crois que c'est Dancing Queen, l'exemple le plus marquant. Ça fait beaucoup de légendes pour un groupe quand même. Non, alors le fait le plus marquant, c'est que c'est la personne extérieure qui dit tiens, serait bien une chanson un peu disco va être un mot qui va être employé après, mais il trouvait le titre Dancing Queen, tiens faites-moi un truc sur la Dancing Queen, voilà, et en fait c'était le manager qui trouvait souvent le titre. Puis les deux autres sont des bêtes à concours musical, c'est-à-dire qu'on a des sortes de génies musicaux qui savent jouer de tous les instruments, qui ont une culture d'abord classique. C'est toujours très important parce que quand on parle de Brian Wilson, qu'on fait des références comme ça à des gens comme Brian Wilson ou Phil Spector, les gens, vous les mettez derrière un piano, ils savent arranger, ils lisent la musique, donc c'est quand même une grande facilité. Donc vous avez cet héritage pop, vous avez la formation classique, vous avez l'héritage pop, les Beach Boys à cause des harmonies vocales, et le grand atout de ABBA, outre le fait qu'ils ne savent pas parler anglais, parce que tout le monde comprend les paroles, c'est qu'ils vont intégrer des rythmes du folklore européen. C'est ça la grande particularité d'ABBA, c'est qu'ils sont suédois, mais de temps en temps, vous avez un peu de mélancolie grecque, un peu d'opéra dans Mamma Mia, vous avez une petite réminiscence d'opéra comme ça, et donc ça va intégrer plein de choses. Et là, c'est vraiment le fait de quelqu'un qui est un musicien patenté et expert. C'était la communauté européenne avant l'heure. Mondiale, parce que vous avez souligné le succès d'ABBA. On peut rappeler aux auditeurs que ABBA était le groupe qui avait vendu le plus de disques au début des années 80. C'est-à-dire qu'on est à 100 millions d'albums, plus que les Beatles et plus que Elvis. Alors on va continuer de parler d'ABBA, mais le mieux c'est encore de les écouter avec Voulez-vous. Cette émission est réalisée par Céline Hella, à la programmation musicale Elsa Béranger. Marie Mougin, Chloé Brassière, Prudence Castelot ont préparé cette émission aidée par Aurore Mansip. Et à la technique aujourd'hui, Gilles Gaillard et Grégory Coillon. C'était ABBA qui interprétait Voulez-vous dans Blockbuster sur France Inter. Je suis toujours avec les journalistes Thierry Dag et Christian Eudeline, le producteur de spectacle Pascal Bernardin et la professeure de chant Malaika Lassi. On vient d'écouter Mamma Mia d'Abba. Et ma question suivante, c'est est-ce qu'en Suède, ça a tout de suite été un succès, Thierry Dag? Alors en fait, pas vraiment. Comme le disait Christian, déjà, il s'était fait effectivement jeter des sélections pour l'Eurovision en 73. Et en fait, les débuts étaient un peu difficiles, même si c'était chacun connu, comme on l'a dit, dans des carrières solo. Sauf que ABBA, la musique qu'il faisait, était considérée comme trop commerciale par les radios et les télés suédoises à l'époque. On était après mai 68, on écoutait du rock, du folk, plutôt des protest songs. La musique d'ABBA, on la méprisait un peu, c'était de la variétoche, on n'en voulait pas trop. Après, quand le succès est arrivé, populaire, là, ils s'y sont mis, ils ont suivi. Mais c'est vrai que les tout débuts, les premières années, ça n'a pas été comme ça, immédiat, en Suède en tout cas. Donc on les entendait ni à la radio, ni à la télévision, et c'est ce qui... Non, c'est faux. Je ne suis pas totalement d'accord, parce que le Jean, vous allez souvent être pas totalement d'accord. Mon radar n'a pas totalement d'accord, qui dit « Oh, lui, il ne va pas être d'accord ». Parce que ABBA, quand il existe, il sort un single, Ring Ring, tout de suite, c'est un carton. Tout le monde s'en empare, c'est-à-dire que à partir du moment que le public l'achète et le succès, il est porté par les radios. Ce que tu dis, c'est un petit peu après, c'est-à-dire que on méprise leur costume et ce succès populaire. On se rappelle de Jean-Paul Belmondo en France quand il cartonne, les critiques cinéma le détestent. Il y a un parallèle à faire comme ça, mais le succès, il est immédiat. Le premier 45 tours est un carton. Il n'y a pas un single obscur de ABBA. Si, ils avaient sorti un ou deux singles avant qui n'avaient pas du tout marché, qui n'étaient pas diffusés. Bon. Mais c'est pas grave, hein. Je suis sûr que vous avez sûrement plein de points communs et vous pourrez repartir amis quand même. On va se réconcilier après. Et justement, parlons de ces costumes, de ce look improbable. Parce que dans ma tête, quand je repense au premier clip d'ABBA, je me disais, voilà, c'est un petit peu le miroir d'une époque. Mais il semblerait que même au moment de leur sortie, c'était déjà considéré comme kitsch. C'était un peu le miroir d'une époque parce qu'effectivement, on est dans les années 70, donc voilà, Elton John, le glam rock, on est quand même dans une période où effectivement les costumes sont très colorés, très extravagants, etc. Mais eux, ils ont quand même mis la barre très très haut. Alors c'est marrant, quand on va par exemple au musée ABBA à Stockholm, il y a toute une salle où on voit leur costume là tous ensemble. Là, ça fait un peu mal aux yeux. C'est vrai que très coloré, des collants, des capes, des plateformes boots argentées, des paillettes partout. Donc c'est vrai qu'ils aimaient bien y aller à fond. Et c'était volontaire dès leur première apparition à l'Eurovision 74. On va mettre des tenues spectaculaires parce que même si on fait pas un beau score, on se souviendra de nous. Donc il y avait ce pour côté, marquer les esprits. L'image, elle doit aussi, il y a la musique, mais l'image aussi doit marquer le public. Mais c'est le look de tous les groupes de l'époque, hein. On est d'accord, hein, quand même, de David Bowie à Alice Cooper, exactement, en passant par Slade, tous les groupes de 72-73. Alors des groupes anglais qui sont dans cette vague glam rock sont habillés comme ça, c'est-à-dire que ils sont pas exceptionnels non plus les ABBA. On a l'impression. À la différence que David Bowie a un côté complètement destroy en dehors de la scène. Non, ça vient après. C'est pas avant Ziggy Stardust le côté destroy. On sait pas qu'il prend de la dope. Et il prend de la dope en 74-75. La dope, elle intervient pas chez Bowie avant 74-75. On est avant, là. Là, il a un look glitter. L'homme de l'espace, on sait pas de. Il a les cheveux rouges, David Bowie. C'est incroyable. Il a des robes. C'est quand même beaucoup plus looké que ABBA à l'époque. Bowie, moi qui l'ai vu d'ailleurs dans Man from Mars, tu vois, la Meursmith décédé en Angleterre. C'était très sophistiqué, je veux dire, David Bowie. Alors que ABBA, c'était très populaire. D'abord, c'était une musique que nous, on n'écoutait pas. Moi, à cette époque, j'écoutais tous les Gentle Giant, tous les groupes qu'il peut y avoir avant les années 75 ou avant Supertramp, avec qui je travaillais longtemps après. Mais ABBA, c'était très populaire. Moi, j'adore maintenant ABBA. Avec Slade, le groupe Slade, oui, était excessivement populaire. Slade, c'était des groupes populaires. Slade Bowie, c'était un groupe avant-gardiste. Et d'ailleurs, il est resté l'idole qu'il est resté parce qu'il était très en avance, si tu veux. Il y avait plus. Et Elton John aussi, au début, n'était pas du tout glam rock ou quoi. Elton John, au début, était très simple, pour l'avoir vu moi aussi. C'était un chanteur. Et c'est vrai qu'il y avait l'influence du pop, du folk, comme tu me disais. On sortait d'une époque avec beaucoup de folk qu'on a retrouvé. Et c'est sans doute ce qui a lancé ABBA, comme tu l'expliquais tout à l'heure. Mais je fais attention au côté très sophistiqué du rock anglais, qui était d'ailleurs suivi par des gens. C'était le rock anglais, les Rock and Folk et tous ces journaux-là, c'était des trucs élitistes. On était tous des fans de rock à lire toutes les bios, les fanzines ou quoi. Et le rock est devenu populaire. Et ABBA, pour moi, exprime plus. Peut-être qu'ils étaient très élitistes dans leur début de leur musique folk en Suède, mais c'est devenu après très populaire. Et là, le retour pour moi de Mamma Mia, on va en parler tout à l'heure, tu vois, c'est en comédie musicale, c'est finalement on se rend compte tous qu'on a tous été des fans d'ABBA, qu'on devrait tous être des fans d'ABBA sans le savoir. Parce que c'est extraordinaire et quelquefois quand tu es dans un mouvement trop rock, nous on a été passionnés dans les concerts par tous ces groupes de rock, on a totalement oublié ces groupes et d'ailleurs, je sais même pas, est-ce qu'ils sont passés en France là-bas ? Alors, j'ai... En 79, Thierry Dague, à l'Olympia, 79 au Pavillon de Paris, donc, qui n'existe plus, qui était Le Zénith, l'Halle de la Villette. Ouais, enfin, oui, là, à côté du Zénith. Et voilà, c'était leur seul concert en France. Alors, je suis entouré par des experts, mais le sont-ils vraiment ? Vous l'avez deviné, c'est le moment du détecteur de mensonges. Je vais vous poser des questions extrêmement pointues concernant ABBA. Saurez-vous y répondre ? Selon une légende urbaine, le groupe ABBA a opté pour des tenues kitsch, car dans la loi suédoise, quand on porte des vêtements avec lesquels on ne peut pas sortir dans la rue, c'est déductible des impôts. Quelqu'un a dit à Eddie de Preto qu'il n'est pas suédois ? Pour répondre à ça. Je vous vois sourire, moi j'attends la réponse. Hein. Il a peut-être des origines suédoises, on ne sait pas. On passe à la question suivante. Le groupe ABBA, c'est avant tout deux couples qui chantent ensemble tout le temps. Est-ce que d'après vous, c'est pour ça que Stone et Chardin ont eu moitié moins de succès ? C'était bien Stone et Chardin. Mais oui, tout à fait, mais ils ont eu moins de succès qu'ABBA. C'est marrant qu'à cette époque, il y avait des couples. Oui. Qu'on voit moins aujourd'hui. Mais en même temps, quand dans certains groupes désormais, hein, fabriqués par des managers, quand ils annoncent qu'ils sont en couple, il y a le manager qui dit non, faut surtout, tu dois rester célibataire parce que tu dois faire rêver ton public, c'est peut-être ça. Hein. Mais le parallèle est vachement intéressant par contre avec Stone et Chardin, c'est-à-dire que vous avez un Eric Chardin qui a une carrière excessivement importante avant et qui sait écrire des très bonnes chansons. Et vous avez un évident parallèle entre les mélodies populaires de Stone et Chardin, sauf qu'ils chantent en français. Leur look un peu ringard aussi, et le succès d'ABBA. On n'est pas sur de la variété, on est sur plus de la pop qui va aller vers le disco. C'est peut-être ce qui manquait à Stone et Chardin, cet élan vers le disco. Mais pensez à Sheila et Ringo, c'est vraiment, ça fait partie de l'air du temps. Et vous connaissez ces télés de Sheila et Ringo sur les gondoles à Venise, où ils ont des tenues qui sont dans la même sorte que ABBA. C'est-à-dire c'est absolument improbable et importable 45 ans après. C'est plus intelligent qu'il n'y paraît votre parallèle avec Stone et Chardin parce que les machins en Normandie là je sais même plus ce que c'est, voilà, les machins, voilà. Oui, tout le monde, non je faisais semblant parce que je suis sûr que tout le monde connaissait. C'est évident que c'est dû ABBA en français quoi. Et ben voilà, le groupe s'est fait appeler ABBA pour que ça soit plus facile à dire au niveau international, mais bon, Ikea a fait fortune avec une étagère nommée Fialbo. Est-ce que ABBA, niveau étude des langues, c'est pas un peu du nivellement par le bas ? Ah bah l'anglais est très mauvais. J'ai dit tout à l'heure, tout le monde comprend, donc c'est vraiment pas en anglais. Les paroles sont les plus simplistes qui soient. N'importe quel français comprend. Et c'est l'une des raisons du succès d'ABBA à l'international, parce que quand un Africain, un Indonésien, un Chinois, un Français comprend, bah il peut chanter, et il est content. Et bah pour se remettre de ses émotions et réfléchir à tout ça, on écoute Hubert Lenoir avec Fille de personne. Thank you. Je suis venu te dire que tu peux changer. C'était Fille de personne d'Hubert Lenoir. Blockbuster. Frédéric Sigrist. Sur France Inter. If you change your mind, take a chance. I'm the first in line. Honey, I'm still free. Take a chance on me. If you need me, let me know. Gonna be around. If you got no place to go, when you're feeling down. If you're all alone. Thierry Dag, ABBA a eu un succès international, ils ont vendu plus de disques que les Beatles, et en 10 ans arrive tout d'un coup la séparation. Comment on explique ça ? Alors, en fait, au début des années 80, il y a deux choses. D'une part, les deux couples se séparent, donc ce qui déjà crée un peu des tensions, des difficultés à travailler ensemble, même s'ils assurent que tout va bien, ils continuent de travailler ensemble. Et puis, les goûts aussi musicaux du public changent. C'est la fin du disco. On arrive dans les années 80, les boîtes à rythme, les synthés. D'un seul coup, ils se retrouvent un petit peu ringardisés. Les ventes baissent. Et donc, d'eux-mêmes, ils décident d'arrêter, même s'ils n'annoncent pas officiellement leur séparation. En fait, leur dernier album sort en 82, je crois. Et donc, à partir de là, ils s'arrêtent. Et c'est vrai qu'ensuite, pendant toutes les années 80... Ringard, les ABBA, ça va être complètement ringard, ça va être la honte d'écouter cette musique-là. Et il faut attendre les années 90 pour que il y ait un revival ABBA qui va arriver d'une part avec le groupe anglais Erasure en français, qui va faire des reprises d'ABBA qui vont cartonner en Angleterre et ensuite dans toute l'Europe. Ils sortent un best-of qui s'appelle ABBA Gold 92, qui fait un carton et qui du coup on redécouvre tous ces tubes et on se dit mais c'est dingue, on les connaît tous et voilà, et on se remet à les écouter. Plus de 200 millions d'exemplaires vendus. Voilà. Aujourd'hui d'ailleurs, là, il y a pas très longtemps, au mois d'août, ils ont battu un record de présence dans les charts anglais. Ça fait 900 semaines que cette compilation est dans le top 100 anglais, donc c'est quand même dingue. Et en 94, il y a deux films qui sortent, deux films australiens. L'Australie est très très fan d'ABBA depuis le début. Priscilla Folle du Désert. C'est Muriel et Priscilla Folle du Désert qui vont aussi remettre au goût du jour ces chansons-là, puisqu'elles font partie de la bande originale de ces films. Voilà. Et là, c'est reparti. Et L'atterrissage de la fusée, c'est la comédie musicale Mamma Mia, dont on va nous parler, j'imagine. Donc, on va en parler juste après, mais c'est vrai qu'on va pas se mentir, ABBA avait toujours et a toujours eu une image un peu kitsch, et ça, malheureusement, il y a des gens qui n'aiment pas. La page réussite de ce soir est consacrée au retour en force d'un groupe suédois que l'on avait un peu oublié, le groupe ABBA. On les croyait à jamais disparus, pourtant le groupe le plus kitsch du monde refait surface. Mieux, il revient à la mode, en fait ABBA fait fureur à nouveau. ABBA avait ce côté complètement ringard au début des 70s, comme l'avaient beaucoup de groupes d'ailleurs. Leur style mièvre, leur look ultra coloré et brillant sont devenus un must dans les milieux branchés. Une gloire faite au kitsch, on nage dans l'ABBA-mania, l'ABBA-titude. ABBA, c'est un groupe qui tient un petit peu du phénix, c'est-à-dire qu'il réapparaît tout le temps, on a l'impression qu'on va les oublier, et tout d'un coup, il y a une récréation, soit par le cinéma, soit par la comédie musicale Mamma Mia, dont on va parler maintenant. Ils n'ont jamais joué, hein. Enfin, faut arrêter quand même, ils n'ont jamais rejoué ensemble. Oui. Le phénix renaît de ses cendres, c'est pas le phénix, c'est l'héritage. On peut dire ça des Beatles. C'est pas un artiste qui va et qui revient, c'est-à-dire que c'est pas, je sais pas, je pense aux Pixies qui pendant 15 ans vont s'arrêter. ABBA a toujours refusé. Et vous parlez de Mamma Mia, la légende, enfin là encore la légende, ouais, c'est qu'il y avait un producteur qui leur avait offert une somme considérable à la fin des années 90 pour tourner un milliard de dollars. Et ils ont refusé. Ils étaient blindés, ça les intéressait pas, ils voulaient pas faire ça pour l'argent. Et en fait, ce serait de là que serait née l'idée de faire une comédie musicale qui va déboucher sur Mamma Mia. Vous voulez pas tourner, on va se servir de vos chansons. D'accord. C'est un fait unique, ça. Il y a peu de groupes qui vont résister au chèque. Au chèque. Et Pascal Bernardin, comment avez-vous découvert ABBA ? Enfin, la comédie musicale Mamma Mia, plutôt, ce qu'ABBA. J'ai fait tourner beaucoup de groupes de rock anglo-saxons, tu vois, et puis des tas de spectacles, Riverdance, Lord of the Dance, comme ça, ethnique. Et en fait, c'est des compagnies anglo-saxonnes qui ont ça au catalogue et qui nous le proposent. Et c'est marrant parce qu'au début, quand c'était créé, j'ai des copains comme ça, producteurs argentins, qui avaient vu la création de Mamma Mia en répétition. Il m'avait dit, bon, c'est quelconque, je veux dire, c'est facile après, quand il y a eu le succès. Mais au début, c'était une petite comédie musicale quand même. Et tout à l'heure, Christian nous disait, c'était l'histoire de deux mecs, enfin, les deux garçons qui étaient les leaders du groupe. Mamma Mia, ce qui est fantastique, c'est l'histoire de trois femmes. Trois femmes. C'est d'abord Judith Kremer, qui a fait toutes ses écoles, c'est bien pour Maïliska, parce qu'elle a démarré dans des trucs stage manager et tout, elle a grimpé tous les échelons, elle a travaillé avec Cameron McIntosh dans Cats et tout, elle a réussi, etc., à devenir une productrice. Elle a cette idée, elle associe deux autres personnes, Phyllida Lloyd et Katherine Johnson, et ces trois femmes ensemble racontent l'histoire de trois femmes. Donc je trouve que c'est vraiment une comédie musicale qui est une revendication féminine, qui est portée par les femmes, qui va très bien aujourd'hui dans l'image actuelle. Et ce qui est beau après, c'est que quand à l'heure on écoutait Take a Chance on Me, qui est un des meilleurs moments de cette comédie, enfin il y a plein de moments, mais là, quand elle la poursuit, quand l'autre essaie de se faire épouser dans l'église, enfin après le mariage, chaque chanson vous évoque. Et le merveilleux, c'est que on redécouvre la qualité des chansons d'ABBA, on prend un plaisir. Moi, je pourrais écouter pendant 3 heures de suite toutes ces chansons. Et la comédie musicale, qui n'est d'une simplicité monstrueuse, qui est la suite des chansons avec un petit texte très bien fait qui explique l'histoire. Bon, tout le monde la connaît, l'histoire sur l'île grecque, etc. Et les trois papas. Je ne pense pas que tout le monde la connaisse, parce que moi, j'avais pas vu le film, par exemple. Oui. Je l'ai découvert avec la comédie musicale. Je pense que ça vaut le coup de remémorer aux auditeurs ce que ça raconte. Il y a une histoire toute bête. C'était un groupe de pop des années 70. Les trois copines sont là. Une d'elles part en Grèce ouvrir un petit restaurant où vivent là-bas visiblement un peu la hippie. Et elle a vu trois amants dans les années 70. Elle a une fille. Elle ne sait pas qu'elle est vraiment le père. Et la fille, le jour de son mariage, retrouve dans le carnet secret de sa maman. Elle retrouve les noms de ces trois hommes. Elle les invite au mariage. Et donc, maintenant, le jour du mariage, il y a les trois hommes qui sont là, chacun cherchant à séduire cette jeune fille, qu'ils estiment chacun souhaitant être le père de cette jeune fille. Et voilà, c'est un drame donc tout simple. Et pour moi, le plus beau passage de ce Mamma Mia, c'est quand même quand il y a cette chanson, et on va parler après de la troupe, parce que c'est tellement important ceux qui les chantent, The Winner Takes It All, qui est une chanson extraordinaire, c'est une chanson féminine, où la femme vous dit, les larmes dans les yeux, à dire au mec, mais finalement, t'as tout eu, c'est toi qui as gagné, enfin... C'est souvent, dans ABBA, il y a beaucoup de réflexions comme ça, où les femmes, en fait, disent à l'homme, Waterloo aussi, c'est pareil, c'est toi qui as le pouvoir, c'est toi qui as gagné, je suis soumise ou pas, enfin, il y a ce côté-là. Et Mamma Mia, c'est un peu le contraire, c'est une revendication féministe. Malika, dans le panorama des comédies musicales, que représente Mamma Mia ? c'est énorme. En fait, la manière dont j'ai été introduit à Mamma Mia, moi personnellement, je me suis plus intéressée à Chess, au tout départ, qui est une autre comédie musicale qui a été écrite par Björn et Benny, les deux leaders du groupe. Et c'est en répétant quelques morceaux de Chess qu'on m'a dit, mais c'est les membres de ABBA. Et j'étais, ABBA, pardon. De quoi on me parle? Bah, tu sais, Mamma Mia, voyons quoi. Et c'est vrai que je me suis retrouvée un peu déconcertée en voyant en fait que Mamma Mia, c'est quoi? C'est une comédie musicale qui est restée combien de temps? 14 ans à Broadway, qui a fait plus de 5700 représentations là-bas. Et surtout, moi je m'intéressais très peu à ce genre de comédie musicale qui est un style très particulier qui s'appelle le jukebox musical. En fait, c'est pas une comédie musicale avec des chansons qui ont été composées pour la comédie musicale, mais des chansons qui viennent d'un groupe et qui servent à l'histoire en fait. Et ce qui est génial, on parlait tout à l'heure de la simplicité de l'anglais, enfin la simplicité des paroles d'ABBA. Et ça sert totalement le propos. On se retrouve avec des chansons qui pourtant n'ont pas du tout été composées à cette fin-là, hein, pour raconter une histoire, mais qui marchent très très bien. Et on arrive à suivre une histoire simple, attachante, et en plus Madeleine de Proust. Et ça va rassembler les générations, parce que autant je sais que je peux aller voir ma mamie avec ma mère, et elle va être là, danser comme une folle, et moi en même temps suivre cette histoire totalement féministe, c'est clair, une jeune fille élevée par sa mère célibataire qui s'émancipe de tous ces de ce principe de il faut être élevé par un couple et par un homme et une femme, c'est énorme, c'est en plus ça marche. Moi je donne des cours à l'ICOM, et il y a encore un mois on faisait un stage sur Mamma Mia, et j'avais des gens de 16 ans je crois que la plus âgée avait 48 ans dans le stage, et Mamma Mia partout, ils connaissaient toutes les chansons. Et c'est donc pour toutes les générations, ça parle. They were close enough, Fernando. Every hour, every minute seemed to last eternally. I was so afraid, Fernando. Almost made me cry. Mamma Mia a été adaptée en film avec Meryl Streep, Pierce Brosnan, mais quand j'ai vu la comédie musicale, ce qui m'a soufflé, parce que habituellement dans Blockbuster, on ne fait pas la promotion de spectacles qui sont diffusés actuellement, parce que j'aime bien avoir un petit peu de recul par rapport à ça. Et donc si j'en parle, c'est vraiment que je me suis pris une claque. Il n'y a pas d'hypocrisie là-dedans, c'est vraiment un spectacle que j'invite les gens à aller voir, parce qu'il y a une performance d'artistes que je ne connaissais absolument pas, qui est assez impressionnante, que ça soit au niveau de la danse, au niveau du chant. Mamma Mia, c'est quand même une galerie de talents énorme, Malaika. C'est réellement une comédie musicale qui nous fait exercer en tant que comédien, chanteur, danseur, vraiment notre art dans tout ce qu'il y a de plus pluridisciplinaire. C'est vraiment, il faut être triple threat, avoir les pouvoirs savoir chanter, danser, enfin les chorégraphies de Anthony Van Last sont, enfin, elles sont, quand on est là, qu'on voit des je ne sais combien de sauts carpés à la minute, et un décor somptueux. Un saut carpé, qu'est-ce qu'un saut carpé? Un saut carpé, alors je ne peux pas vous le faire ici, je ne pense pas que vous le verrez très très bien, mais je suis en train de le faire là, tout de suite, vous voyez. C'est quand on saute et qu'on écarte les jambes, c'est dans un grand écart et qu'on touche ses pieds en même temps, ce genre de saut. Oui. Ça, c'est un saut carpé. Et bien sûr, le vocal va avec, la théâtralité avec un livret très drôle, avec une pointe d'humour toujours appréciable. C'est un peu comme une sucrerie, j'ai envie de dire, moi, Emilia. C'est Thierry Dac. Tu parlais de la performance vocale, je pense que tu peux le confirmer. Je pense que ces chansons qui ont l'air toutes simples comme ça, avec des mélodies très accrocheuses, assez simples, en fait, je pense qu'elles ne sont pas si faciles que ça à chanter. Il y a pas mal d'harmonie vocale, de Dancing Queen, ça monte très très haut. Oui, oui. Je pense qu'il faut quand même assurer pour... Mais c'est d'ailleurs en plus ce qu'on voit avec Meryl Streep quand elle a dû reprendre le rôle... de Donna dans le film, c'est qu'elle a dû faire un vrai travail vocal parce que Meryl Streep, on parle, je vais commencer à parler un petit peu jargon, mais c'est quand même une alto mezzo-soprano, mais bon, qui monte pas très très haut, quoi. Et elle a dû tout revoir. Oui, mais parce ça, je lui ai déjà dit. T'es une bonne comédienne, mais au niveau de ton alto, ça ne monte pas beaucoup. Mais c'est vrai que quand on voit les chanteuses Agnetha et Frida, c'est quand même des chansons de soprane. Et c'est pas si simple que ça à chanter, surtout qu'il y a un son très pop et c'est pas donné à tout le monde de savoir donner cette espèce de son sans vibrato, très clair, qui a ce côté très juvénile. On écoute Abba derrière, c'est encore, il y a un son juvénile dans cette voix. C'est pas donné à tout le monde, surtout pour des gens qui ont été formés à la comédie musicale un peu classique, j'ai envie de dire, quoi. D'où je voulais juste rajouter quelque chose, pardon. D'où l'idée de le faire en version originale. On nous dit pourquoi vous présentez Abba, Mamma Mia, qui a été fait en version française d'ailleurs, qui a eu un énorme succès. Mais moi, je l'ai produit au début en version originale anglaise, sachant que la troupe internationale qui fait la version originale, il y a eu jusqu'à 15 troupes de Mamma Mia dans le monde qui jouaient Mamma Mia. Et moi, j'en ai vu une dizaine dans toutes les langues. Et c'est toujours très local. Et même la version anglaise que vous êtes allé voir, sans doute, elle est très, pour moi, cockney. J'aime pas beaucoup l'accent. C'est pas assez international comme la pop ou la rock aussi, musique que j'aime. Moi aussi, j'ai failli partir. Non, mais je veux dire, la version internationale, elle est vraiment, parce que c'est le mieux du mieux qu'on peut avoir. Parce que la qualité de chant est incroyable. C'est joué en live. Mais la qualité du chant, c'est très important dans une comédie musicale. Et autant dans tous les pays où j'ai pu la voir, on a beaucoup de mal à adhérer à une expression sonore de quelqu'un qu'on est habitué par la formation de l'oreille à du rock anglo-saxon. Et je pense que Mamma Mia en version originale, c'est sublime. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est surtitré, il n'y a pas de problème. Mais je pense que c'est réellement un plus et que la meilleure des troupes, je l'ai vu à Las Vegas, je l'ai vu à Los Angeles, je l'ai vu à New York. Pour moi, c'est la troupe internationale qui réunit un cast international qui a cette timbre et cette qualité de voix internationale qui nous plaît à notre oreille à nous de fans pop-rock français. Et Pascal Bernardin, est-ce que vous êtes encore en contact avec justement Björn Benny ? J'ai jamais connu Björn Benny, j'ai juste connu Madame Kremer, pour moi, que j'admire beaucoup. Je trouve ça extraordinaire, les gens qui font des carrières comme ça de producteurs, parce que c'est une vraie productrice. Moi, je suis producteur, mais je distribue une création qui a été faite à Londres, etc. C'est pas le même rôle. Créer, c'est déjà pas si facile. Avoir cru en Chess, elle a eu des difficultés avec Chess, après, elle a continué avec les gens d'Abba pour faire Mamma Mia. C'est incroyable ce succès, et puis j'aime bien sa carrière, j'aime bien le côté féministe avant l'heure qui revient dans l'air du temps, et je trouve ça incroyable cette carrière. Et il y a beaucoup de comédies musicales qui se créent, on parle des succès, on parle de Mamma Mia qui a fait etc, mais il y a beaucoup de flops aussi. C'est comme dans le cinéma, vous en avez 10% qui réussissent, 80 ou 90% qui se cassent la gueule, et ça, quand ça réussit, et moi je suis heureux d'aimer maintenant Abba. Je savais pas que j'étais un fan d'Abba, je suis le plus grand fan d'Abba, si vous voulez, et je n'ai qu'une envie, c'est qu'on soit le 4 octobre et qu'on aille voir le spectacle. C'est le coming out de Pascal Bernard. Ouais, Thierry Dac, mais on fait tous un coming out. Mais je pense qu'il y a aussi des auditeurs qui ont dû faire un coming out en écoutant. Ah, en fait, j'aime bien. Mais c'est d'ailleurs assez représentatif d'Abba. C'est-à-dire que moi, j'ai découvert ma passion pour ces chansons en voyant la comédie musicale. J'ai parlé avec des auditeurs qui, eux, ont découvert ou redécouvert Abba via Priscilla, Folle du désert ou Muriel. Et j'ai l'impression, en fait, que désormais, la musique d'Abba a quitté ses créateurs pour, et c'est en ça que je parlais de Phoenix, pour se recréer sous différents supports. Combien de temps ça peut durer, en fait, c'est ce revival systématique? Alors, elle a quitté ses créateurs, en même temps, pas complètement, parce qu'ils sont toujours partie prenante de tout ça. C'est-à-dire que la comédie musicale, elle a quand même été coproduite. Chapeautée. Et voilà, surveillée de très près par Benny et Björn. Je sais plus si c'est les deux ou l'un des deux. Les deux sont coproduits. Voilà. Le musée ABBA à Stockholm, c'est eux qui l'ont créé. Enfin, ils sont quand même, ils suivent ça toujours de très près. Voilà, donc ça n'échappe pas complètement quand même à leur créateur. Après, est-ce que ça peut durer au-delà ? Alors déjà, ce qu'il faut dire quand même, c'est qu'ils vont revenir. C'est-à-dire qu'il y a deux chansons inédites qui vont sortir là, a priori, cet automne. En tout cas, c'est ce qu'ils ont annoncé. Donc, ils ont enregistré. Malaika est très contente. Ah oui, mais oui, on la voit. Ils seront en hologramme. Et alors voilà, et visiblement, il va y avoir un clip avec des hologrammes parce qu'ils veulent pas qu'on les voit vieux entre guillemets. Ils sont voilà, ils ont 70 ans, donc ils veulent retrouver leur image de l'époque. Et donc, ce sera des hologrammes qui vont chanter la chanson. Eh ben voilà, scoop. Dans quelques instants, on va jouer avec une auditrice. Mais avant cela, parce que c'est quand même le thème de Blockbuster, on écoute ABBA qui interprète Gimme, Gimme, Gimme. Gimme, gimme, gimme d'ABBA dans Blockbuster sur France Inter. Et maintenant, on joue. Attention, qui que vous soyez, attention. Blockbuster. Cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences. Frédéric Sigrist. Sans blague. Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza ? Sur France Inter. Et aujourd'hui, on a Noémie au téléphone. Bonjour Noémie. Bonjour à toute l'équipe. Vous allez bien ? Oh, ça va très très bien maintenant. Alors, est-ce que ça vous a mis la patate d'écouter ABBA de 11h à midi ? Pas qu'un peu. Hein. Pas qu'un peu. Bon, alors, vous connaissez le principe du jeu ? Je pose trois questions en 25 secondes chrono ou un peu plus. Hein. Si vous ne pouvez pas répondre que vous faites erreur ou que vous avez dépassé le temps imparti, vous avez droit à un joker qui vous donnera la possibilité d'être aidé par l'invité de votre choix. Oui, parfait. C'est parti. Benny Andersson faisait partie d'un groupe suédois dans les années 60. De quel instrument jouait-il ? Réponse A, de l'accordéon. Réponse B, de la guitare. Réponse C, du piano. Du piano, si je me souviens bien. Eh bien, vous vous souvenez très très bien, il jouait effectivement du piano. Bon, c'était facile. Hein. On continue. Oui. Deuxième question. Avec quel chanteur français Frida a-t-elle chanté en duo ? Tintintin. Mais oui, c'est plus difficile là déjà. Ah, c'est beaucoup plus difficile. C'est un chanteur qui jouit quand même d'une belle image encore en France, qui a disparu. Il est mort. Tragique. Mmh. Oui, il est disparu. Tragique. Il a disparu. Comment? Vous avez dit qui? Claude François. Ah, non. Est-ce que vous voulez faire appel à un joker? Ah oui, je veux bien. Oui. Alors, qui choisissez-vous? Pascal Bernadin. Ok. Ça, c'est pas un bon choix. On va l'aider. Alors, avec quel chanteur français Frida a-t-elle chanté en duo? En cherchant bien, je dirais Daniel Balavoine. Oui, et puis surtout en écoutant son voisin. C'est effectivement Daniel Balavoine. La chanson s'intitule « Belle » et a été interprétée en 1983 dans le cadre du conte musical « Abracadabra ». Abracadabra. Abracadabra, oui, parce qu'il y a un R. Abracadabra. Dernière question. Maintenant, on va vous faire écouter un titre que vous allez reconnaître. Mais la question, c'est dans quelle langue Abba chante-t-il cette version? En espagnol? Oh bah non. Mais enfin voyons. Deuxième chance, allez. C'est du suédois? En anglais. Non. C'est du suédois. C'est Ikea. Ils sont Ikea, c'est du suédois. Voilà, c'est bien, voilà. C'est l'école des fans. Il faut vraiment les forcer à gagner là. Il a fallu vous aider. Il s'agit de la version de Waterloo que le groupe a interprété lors du concours de sélection à l'Eurovision 1974. Eh ben, voilà. Vous avez gagné deux places pour le Avec beaucoup de difficultés. Vous avez gagné deux places pour le spectacle Mamma Mia qui se déroulera à la scène musicale à Paris du 4 au 20 octobre. Ah, c'est très sympa ça. Qui sera entièrement suédois. Tout en suédois. Vous êtes contente, Noémie? Ah bah très très contente, carrément, oui. Bon bah je vous remercie, merci d'avoir participé. Ah bah merci à toute l'équipe, surtout merci à vous. À bientôt. C'était un plaisir, merci beaucoup, à bientôt. À bientôt. Cette émission touche à sa fin, donc je tiens à remercier Thierry Dag, Christian Eudeline, Pascal Bernardin et Malaika Lassi d'avoir évoqué Abba, la comédie musicale Mamma Mia. Et j'aimerais également remercier très chaleureusement Sébastien Dassini, voilà, qui a permis cette émission également. Merci à lui. Comme toujours, chers auditeurs, si vous le désirez, vous pouvez nous laisser un message au 01 56 40 30 20 sur le sujet du jour, c'est-à-dire Abba, ou sur la page Facebook de l'émission. Et il y a également Twitter avec le hashtag BlockbusterEFI. If you see the wonder of a fairy tale, you can take the future, even if you fail. Et on se retrouve demain pour parler de Kung Fu, de Dieu du Tonnerre et de Fatalité. On parle du jeu vidéo Mortal Kombat. Et après le journal, on retrouve Nadia Dam pour le débat de midi. Bonjour Nadia. Bonjour Frédéric. Alors de quoi on va parler aujourd'hui? La transition avec Abba, elle va être un peu brutale puisqu'on va parler de rap français. Plus précisément, on va essayer de comprendre en quoi le rap a évolué depuis 30 ans et notamment depuis le groupe IAM. Je crois que vous avez consacré une émission au groupe IAM. Exactement, il y a une quinzaine de jours. Exactement. Passez mais une tout tête est connecté. Dans le studio, si vous voulez. Avec plaisir. À tout à l'heure. À tout à l'heure.